Pour un bon repas en famille ou seul, c'est au restaurant Midas qu'il faut aller. Menu adapté à tous les budgets, servi par un personnel courtois et affable. Le propriétaire, M. Danny Potvin, souhaite un franc succès aux organisateurs du triathlon de Saint-Félicien et un bon congé de la fête du travail à tous ses clients. Restaurant Midas, 1084 route 169, 418-679-0900. On va parler du challenge des cyclistes cette semaine. C'est soit dimanche qu'aura lieu dans les rues du secteur d'Hôtel-Beau et le challenge cycliste des Bleuets. On en parle avec le responsable, Paul Morel. Salut, Paul. Oui, bonjour, Denis. Paul, ça fait quoi, la cinquième édition? Je pensais ça va tellement vite le temps que c'est-tu la cinquième? Oui, en effet, là, c'est déjà la cinquième édition du Challenge Cycliste des Bleuets des Jardins. Ouais. Donc, c'est en marche, c'est dans quelques jours, et puis l'organisation est prête, et les cyclistes tout autant. OK. Qu'est-ce que ça va ressembler, ça? Est-ce qu'il va y avoir des grandes nouveautés? Écoute, on a une belle recette qui fonctionne bien. Mm-hmm. Donc, on peaufine cette recette-là là, année après année. Donc c'est pas mal le même fonctionnement. On a deux pelotons de vitesse, les gens choisissent leur peloton et à partir de 8h le matin, c'est le départ dimanche le 2 septembre pour faire le tour du lac Saint-Jean à vélo donc un périple de 205 km. OK, il faut être en forme pour aller là, c'est pas n'importe qui peut compétitionner là, qui peut aller là puis qui peut faire le challenge cycliste des Bleuets. Ben écoute, c'est sûr que ça prend quand même un peu de kilométrage dans les jambes, parce que c'est quand même 205 kilomètres que tu fais à vélo. Donc en une seule journée, tu sais, c'est pas vraiment là quelque chose de très très facile. Mais les gens qui le font. Nous, on est toujours surpris à chaque année parce qu'on a qu'on appelle un véhicule balai qui suit chaque peloton. Ouais. Alors, donc, année après année, on est toujours agréablement surpris de voir que le véhicule balai qui nous suit est vide lorsqu'on arrive. Alors, les gens s'entraident, les gens tiennent à finaliser ce défi-là, et puis ça fonctionne très bien. OK. Mais est-ce que c'est les la cinquième édition depuis le début, est-ce que c'est toujours les mêmes qui reviennent ou chaque année on voit de nouvelles têtes? Ah non, on voit de nouveaux touristes, je te dirais. On va utiliser le terme. On a des gens là, beaucoup de l'extérieur. Tu sais, nous, on fait un petit sondage à main levée hein, chaque année. On demande quels sont ceux là qui sont là depuis le tout début, depuis la première édition, et quels sont ceux qui sont là pour la deuxième, troisième fois, puis on finit toujours par quels sont ceux là qui sont ici pour la première fois. Alors évidemment, il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Alors évidemment, là, on pense que le bouche-oreille fait son effet, puis les gens s'en parlent et amènent de nouvelles personnes avec eux. Généralement, ça vient de où? De Montréal, de Québec, d'un peu partout? Facilement, 60% des inscrits au challenge proviennent de l'extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça veut dire, justement, comme tu disais, là, Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, un petit peu partout, là, donc c'est toujours agréable pour nous lorsqu'on regarde la provenance justement de nos participants, de voir qu'il y a autant de personnes qui viennent de l'extérieur de la région pour venir découvrir, hein, passer la fin de semaine chez nous. Donc, évidemment, c'est la fin de semaine de la fête du travail, alors c'est pas pour rien. On en profite pour choisir cette fin de semaine de 3 jours-là pour donner l'opportunité aux gens de venir visiter notre région dans la grosse période des Bleuets. Ben oui, puis c'est ça qui est le fun aussi, là. Puis certainement que la véloroute a fait en sorte que ça l'a publicisé beaucoup aussi, là. Ben oui, c'est sûr que la véloroute, tu sais, il y en a qui viennent faire un petit tour. Les participants viennent, mais souvent amènent des amis, la famille, les enfants, ils en profitent pour venir au lac Saint-Jean, de Boum-Sessigny pendant cette période-là. Donc, il y a un participant qui va faire le tour du lac, mais ses amis, sa famille, eux autres vont amener leur vélo aussi pour aller se promener un petit peu sur la véloroute, en profiter pour visiter toute la région aussi, pendant que papa ou la maman s'en vont faire le tour du lac en une journée. OK. Donc, ça commence dimanche matin. Est-ce qu'il y a une conférence? Est-ce qu'il y a des activités? Parce que il y a déjà eu des conférences. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va avoir lieu samedi ou ça va être vraiment tout dimanche? Écoute, le samedi entre 16h à 20h à l'Arena du secteur Mississini, c'est la remise des trousses. C'est-à-dire que les gens viennent chercher leurs trousses de départ, et puis, passent la nuit chez nous pour être prêts pour le départ du dimanche matin. Alors, c'est pas mal comme ça. La première année, on a eu une conférence qu'on avait tentée. Puis finalement, je pense que les gens venaient surtout pour le challenge, puis beaucoup moins pour la conférence. On a essayé de faire un mix, mais ça n'avait pas levé. Alors, on s'est dit, on va se concentrer sur l'événement, sur la remise des trousses, et puis c'est celui-là. OK. Paul Morel, un gros merci. On se reparle bientôt. Ça fait plaisir, Danny. L'organisateur du Challenge Chickies des Bleuets, Paul Morel.